Adieu. L'automne, déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons? L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère. La cité énorme, au ciel, tachée de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point, cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés. Je me revois, la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendu parmi les inconnus, sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir. L'affreuse évocation. J'exècre la misère. Et je redoute l'hiver, parce que c'est la saison du confort.